Book 2 49 49 49 الرياضة Le sport Le sport هل تمارس الرياضة Pratiques-tu un sport Pratiques-tu un sport? نعم, يجب أن أتحرك. Oui, je dois bouger. Oui, je dois bouger. أنا مشترك في ناد رياضي. Je vais au centre sportif. Je vais au centre sportif. نلعب كرة القدم. Nous jouons au football. Nous jouons au football. أحيانا نسبح. Parfois, nous nageons. Parfois, nous nageons. أو نركب الدراجات. Ou nous faisons du vélo. Ou nous faisons du vélo. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. Dans notre ville, il y a un stade de football. Dans notre ville, il y a un stade de football. يوجد كذلك مسبح به ساونا. Il y a aussi une piscine avec sauna. Il y a aussi une piscine avec sauna. ويوجد ملعب golf. Et il y a un terrain de golf. Et il y a un terrain de golf. ماذا يوجد في التلفزيون؟ Qu'y a-t-il à la télévision? Qu'y a-t-il à la télévision? تعرض حالياً مباراة كرة قدم. Il y a un match de foot. Il y a un match de foot. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. L'équipe allemande joue contre l'équipe anglaise. L'équipe allemande joue contre l'équipe anglaise. Men سيفوز? Qui gagne? Qui gagne? لا أدري. Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. حالياً تعادل. Pour le moment, c'est match nul. Pour le moment, c'est match nul. الحكم من بلجيكا. L'arbitre vient de Belgique. L'arbitre vient de Belgique. الآن توجد ضربة جزاء. Maintenant, il y a un penalty. Maintenant, il y a un penalty. هدف 1-0 But 1-0 But 1-0